Examen 2. Compréhension de l'oral. Exercice 4. Situation 1. Mesdames et messieurs, bonjour. La crise du pétrole est à nouveau au centre de l'actualité.